l'oignon, frit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon, frit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa, opa, opa, opa, camarade, opa, camarade, opa, opa.